retournons à d'autres bons moments qu'on a eu pendant la semaine. C'est ceux d'Assemblage requis, l'émission du matin. Du matin? Du matin! L'émission du matin? Voici un instinct classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 30 septembre 2013. Si tu prends pas le temps de l'écouter, ça part comme un coup de vent. Wow, avec le bruit. Oh, wow. Je vais prendre une gorgée de café. Ok, prends une gorgée de café, je te regarde. Est-ce qu'il est velouté ou corsé? Velouté. Ça, c'est le moment de partager, d'ouvrir nos cœurs un peu comme un chirurgien aimerait ça quand il est chez eux, ouvrir le cœur de. Du facteur, qui, oui. Du facteur juste pour se pratiquer. Oui. C'est taste. Comment? Non, c'est taste. Taste. C'est taste comme, c'est comme chill pis nice. Ouais. C'est taste. C'est taste. Au goût. Oui. Dans quelques minutes, ce sera Alexandra Carignan qui va être avec nous sur une de ses trois chaises. Oui. Elle a le choix. Chacune cache un prix en dessous. Oh, oui. Non. Bravo les beautés. Oh. Merci Julie. Merci Julie. On va là pour rire et on a ce qu'on veut. Comme on dit, la huître est toujours en saison. Ils disent pas ça, mais moi je le dis. Ça, tu le dis. Parce que les huîtres sont en saison. Ah. Ouais. Toutes les mois qui finissent en bre. C'est ça. Ok, oui. Bon, j'arrive pas vraiment. Franz Ferdinand et non pas le groupe rock. Pas le groupe rock, ok. Non, Monarque, c'est mon papillon. Oh là là, on part de loin. Bref, la première guerre mondiale a été déclenchée par le... Par un groupe de rock. Ouais, par un groupe de rock. Alors, on voit les... J'arrête. Pour répondre des vicissitudes de la vie... Il y avait un épisode de Random qui s'appelait Vicissitudes, puis tout le monde se demandait c'était quoi vicissitudes. J'ai pas retenu ce que c'était. Oh! J'aurais dû. Ça m'aurait déplacé. Oui. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais arrêter la trame, puis regarder la caméra. Puis faire, je me demande tellement c'est quoi ça veut dire, vicissitude. Parlant de Maxime Libé-Tremblay, vous vous rappelez de lui dans le temps quand il jouait Manolo. C'est ce qui nous amène à la Minute Random. Je regarde la caméra. Oui, Manolo. C'est quoi ça, vicissitude? Vicissitude. Je dirais que c'est un changement de choses qui se succède, particulièrement à un événement qui affecte la vie humaine. Ah, oh, retour sur la caméra principale. C'est ce qu'on retrouve en arrière du Metal Fest, c'est pas juste... Il y a plus que ça, là. En arrière du Metal Fest, c'est les Metal Fesses. Il y a des Metal Fesses. Il y a des fesses de métal. Fesses de métal. Toc, toc, toc. Pas grand chose à ajouter. Entrée. À ça. Entrée. Ouais, ça, c'est ton problème. T'as besoin d'une lampe, mais tu veux pas avoir à t'encombrer d'une ampoule. Oui. Oh. On n'en parle pas assez de changer des ampoules. On n'en parle pas assez. C'est ça, jeu de mots avec on ampoule. On n'en parle pas assez. Ah là, comment? On dirait que j'avais appris mon texte par cœur, genre le palmarès, avant l'émission d'aujourd'hui. Je suis comme un lecteur, hein? Oui. Nous, en fait, on lit ce qu'il y a sur une vitre. Sur un télésouffleur. Il y a quelqu'un qui écrit, mais maudit qui écrit mal. C'est ça. ou encore, blague alternative, prise 2. Oui. On n'a pas de budget pour un télésouffleur, donc c'est littéralement David Ferron qui me susurre à l'oreille et le script de l'émission d'aujourd'hui. Oui. Comment? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je t'aime. Je t'aime. Mais oui. Oh, c'est touchant! David Ferron va nous chanter son intro d'ouverture à l'instant. Donc, la langue dans ton oreille s'en vient. Chante-nous l'intro de la langue dans ton oreille, un peu comme Miley Cyrus le ferait avec la langue sortie. Un instant classique. Oui, moi je me dissocie de tout ça, Mathieu. On va-tu prendre un café? Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'appelle Odile, appelez-la Odile Pickle, juste pour le fun, dorénavant. Odile Pickle? Juste pour le fun. Mais pourquoi? Pour être drôle. Oui. Mais est-ce que son nom de famille, c'est Pickle? Oui. C'est ça, c'est un nom composé, premièrement. je veux dire, si tu veux vraiment participer à la conversation, participe comme faut. C'est oui. Odile Trédunion Pickle. Ouais, Odile Pickle. Ouais, c'est ça. Voilà. Mathieu? Oui. Attrape, j'envoie la pause. Oh, merci. Oui! Oh, je l'ai raté. Oh, attends, je vais t'en envoyer une autre. Ok, non, j'en ai cherché à terre. Ah oui, ok. En dessous de la table, à chercher. Okay. Vas-y. La CAQ. Hit the road, CAQ. And don't you come back. No more, no. J'aime ça. More. Antoine Dufour, je sais pas si vous connaissez. Tony of the Oven. Non, je connais non. pas. Non. On m'a dit des bons commentaires sur lui. Moi, je le connais pas. Puis on m'a dit que ça valait le coup. Oui. Un genre de doser. Ça vaut le degré. Oui. Dufour. Oui. Quand il commence à gratter sa guitare, des fois, ça se met à brûler. Ça brûle. Ça brûle. Ou encore, des fois, il se fourre dans ses notes. Ouais. Ou encore, quand tu vas au spectacle, tu mets dans la rangée du milieu comme tu mettrais la règle dans le milieu du four. En plein milieu. On les a toutes faites. L'une après l'autre. Gratte. Et je termine en vous parlant de Mute. Je ne sais pas si vous connaissez ce band-là. C'est leur 15e anniversaire. C'est un band punk rock. On écoute un extrait de Mute. C'est un groupe de muets. Ouais, mais là, c'est con, j'ai perdu ma télécommande. Comment on va le remettre? Ok, ok. Attends, pince sur le piton. Okay. Attends, mais je vais le mettre au 3. Ok. 1, 2, 3. Ouf. Il y a une chance, hein, de sortir là. Ouf. Heureusement qu'on a une télécommande universelle, le studio. Universitaire! Nous devons nous quitter. C'est notre destinée. Mystique Madame Moustache nous a dit que la fin du monde arrivait aujourd'hui, jeudi 3 octobre à 9h15. Oui. Il nous reste 2 minutes. Moi, je suis stressé. Mais voyons, on va mourir ensemble. Il n'y a rien de plus beau. Oui. On se quitte là-dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. La fin du monde s'en vient. Bye! Bye. C'est un peu plate, la fin du monde. Hein? Ouais. Ça se passe pas grand-chose. On dirait que c'est comme une aparté. Moi, la fin du monde, là, je me l'imaginais un peu plus grandiose. Je m'imaginais des arcs-en-ciel partout, des bombes, du feu, une toune de Vivaldi. Je suis tellement déçu. Je suis déçu que la fin du monde soit aujourd'hui. Mais je suis quand même content de la vivre avec toi, Mathieu. Merci, téléphone. Au moins, on vit quelque chose. Ouais. C'est ça. Mmh. Si seulement c'était rien qu'un test de feu, puis tu juste quitter le studio pour que tu fasses un test de feu, puis la lampe pour que ça sonne en ondes. Si seulement c'était juste ça. Si c'était juste ça. On n'aurait pas besoin d'une carte Mathieu. C'est tellement plus simple. La vie serait plus. Hey, bonne fin de semaine, JP. Bye, Mathieu. Bye. Je suis content d'avoir fait une aparté. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai fait une aparté sous mon aparté. Ok, parfait. J'aime ça faire des apartés. Oh, wow! Oh. Moi, les apartés, des fois, ça me donne des frissons. Je suis un peu nerveux en dedans, parce que je me dis, j'ai-tu être capable de dire quelque chose? À en même temps, pas sûr. Non. je dis toujours quelque chose, mais en même temps, ça veut pas toujours dire quelque chose. Fait que, c'est pour ça que je suis nerveux. Je pense que je vais faire pipi dans mes culottes. Oh. Tu penses qu'on peut demander quelqu'un au nettoyage? Je suis nerveux. En plus, je sais qu'il va avoir une alarme de feu. Nettoyage à l'étroit. Nettoyage à l'étroit, s'il vous plaît. C'est la pire partie que j'ai vue. Vraiment. Yeah! Oh yeah! Que ça finisse bien en le mettant à la fin, ça. C'était les instants classiques d'Assemblage Requis pour la semaine du 30 septembre 2013. Verdict. Wow, hein? C'est rare qu'on met un extrait aussi long que ça dans un instant classique. Ah, mais ça valait la peine parce que, honnêtement, ça va passer dans les annales. Voilà, ça, c'est une page d'histoire qu'on vient de vivre ce matin. C'était un moment unique. Oui. De toute façon, la fin du monde, ça arrive juste une fois. Ben, c'est ça. Puis là, à date, je veux dire, on n'est sûrement pas à radio parce que la fin du monde a eu lieu ce matin. Non, mais c'est ça, c'est parce que là, on est en direct de l'enfer. Ouh! Vous écoutez Radio Enfer. Ah oui. Donc voilà pour les instants classiques. Écoutez-nous du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. On dirait qu'à partir de 7h30. C'est Jean-Philippe Charbonneau, l'excellent et très très drôle et très très improvisateur né Jean-Philippe Charbonneau. Il fait de la très bonne sauce. Aussi. Et aussi moi, Mathieu Plante. Ça a plus de lien que la sauce, hein? Plus de sauce, non. Okay. C'est ça.